Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau hors-série de la courte échelle. L'émission hebdomadaire vous propose de retrouver régulièrement toutes les nouveautés de la scène indépendante internationale dans tous les styles. Ces hors-séries sont là pour nous remémorer les titres que l'on a découverts dans les deux premières saisons de cette émission. Et ce hors-série démarre tout de suite, si vous le voulez bien, avec Alain Marchal et Dis-moi. Ça t'arrange, tes conditions à double sens, entre les lignes et la distance qu'il faut qu'on garde. Les consignes en matière de silence, le sens de tes regards. Dis-moi comment s'arrange la fréquence de mes appels en absence, sollicitude ou bienveillance dans les messages. Nos habitudes et nos différences, ce qu'il faut qu'on partage. Dis-moi tout ce que tu veux pas, je ferai tout ce que tu voudras. Je serai magnanime et adroit si je m'entremêle avec toi. Dis-moi ce qui t'arrange, les termes, les clauses et tes exigences. Profite de mon hypnose même à outrance, je nage dans un nuage. Exploite ma névrose dans l'intempérance, ma garde est hors d'usage. Dis-moi et je m'arrange, je change mes plans, j'abonde dans ton sens. Moi qui aime mener quand j'y pense, je te laisse l'avantage. Je suis possédé par ta prestance, quand est-ce qu'on s'envisage? Dis-moi tout ce que tu veux pas, je ferai tout ce que tu voudras. Je serai magnanime et adroit si je m'entremêle avec toi. Ça t'arrange de cultiver le manque pour faire durer la passion, de préférer l'attente à la précipitation et pas de coup de pression. Dis-moi et je t'arrange une route sans obstacle, un parcours sans déviation, un amour spectacle en quête du grand frisson, l'été à chaque saison. Dis-moi tout ce que tu veux pas, je ferai tout ce que tu voudras. Je serai magnanime et adroit si je m'entremêle avec toi. Dis-moi tout ce que tu veux pas. Direction le Canada avec un duo folk francophone formé d'Annick et de Nathalie, deux amies musiciennes qui fabriquent des chansons pour faire du bien. Voici le duo En Colis avec Filet Doux. Désolé, tu me parles d'imprévu. On ne compte plus les lunchs et les cafés manqués. Tu ajoutes, on se reprendra. On a toute la vie devant, mais en vrai, ce qu'on a. Un moment volé pour voir. dessous dessus. Je ne compte plus mes heures et mes idées perdues. Tous les jours, l'épreuve à relais. Je sais plus pourquoi je cours tant. J'ai rêvé qu'on vivait plus. Après une longue absence, Eric Donis s'est installé au Pays Basque. Il a démarré une nouvelle aventure musicale en collaboration avec Frédéric Petit pour un album qui a un titre en forme de jeu de mots, Dans mon œil de verre. J'ai pris des somnifères. J'étais dans un désert. C'était l'enfer. Envie de rien faire. J'ai changé d'atmosphère pour me défaire. Je me suis servi de verre. C'était sûrement plus clair. Moins de galère. Anesthésier l'enfer. Affaire, quitter l'enfer, je vais changer d'air, baisser toutes les barrières et sans déplaire pouvoir me refaire. Je ne veux plus me taire, monoculaire, j'ai la vue sans repère dans mon œil de verre. La vie c'est clair, c'est une nouvelle ère. J'ai vu la vie alors. Retour au Canada avec Gérard Roussel, un artiste que vous avez découvert dans La Courte Échelle sans doute, et je chante. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je chante, oh oh, je chante, c'est beau. Je chante, le ciel est bleu, le soleil radieux, mon cœur est heureux. Je chante, la lune brille, l'étoile scintille, je chante, je suis heureux. Je chante, oh oh, je chante, c'est beau. Je chante, je crie de joie, emmène-toi, chante avec moi. Je chante, vise aujourd'hui, croisant ta vie, tu chanteras toi aussi. Il n'y avait rien dans ma vie qui pouvait m'emballer. Un ami m'a expliqué, tout a changé. J'ai appris à aimer, ne jamais critiquer, et puis à aider. Dans ce cercle de la vie, va mon ami, je chante, oh, je chante, c'est beau. Je chante, le ciel est bleu, le soleil radieux, mon cœur est heureux. Je chante, la lune brille, l'étoile scintille, je chante, je suis heureux. Je chante, oh, oh, je chante, c'est beau. Je chante, je crie de joie, amène-toi, chante avec moi. Je chante, vise aujourd'hui, croisant ta vie, tu chanteras toi aussi. De bonheur, tends la main, sois pas mesquin, aide ceux qui pleurent, fais ce que tu aimerais que l'on fasse à toi-même si tu avais faim, montre-lui comment tu fais pour gagner ton pain. Je chante, oh, oh, je chante, c'est beau. Je chante, le ciel est bleu, le soleil radieux, mon cœur est heureux. Je chante, la lune brille, l'étoile scintille, je chante, je suis heureux. Je chante, oh, je chante, c'est beau. Je chante, je crie de joie, amène-toi, chante avec moi. Je chante, vise aujourd'hui, croisant ta vie, tu chanteras toi aussi. Je chante, oh, je chante, c'est beau. Je chante, oh, je chante, c'est beau, je chante, oh, oh. Auteur, compositrice et interprète, Héloïse May a sorti en décembre 2018, beau cadeau de Noël d'ailleurs, son premier album 10 titres avec notamment Ode to My Lover. I'm looking at the stars, I dream my soul so many times, too many times, and the days are passing by. I'm waiting you pass by to sing to me a lullaby till I can sleep at least tonight. I'm so tired. Please hear my voice, I need someone to make a choice. You can't hear me, cause the rain is pouring down. I need you. fait de clown nine. I tune up my guitar to sing to you a lullaby till we can sleep in love tonight under the stars. Please hear my thoughts, I need someone when it gets tough. Try to listen, cause the rain is running dry. Une chanson pour faire sourire, une chanson en forme de deuxième degré, faites chauffer la colle de Ziz. Encore une découverte, la courte échelle. Il y en a qui tombent la chemise et d'autres qui dansent le Mia. Je vous le dis, parole de Ziz, j'ai tous les disques de Claude. Moi je suis de la génération de Véronique et Davina. Je fais de la gym dans mon salon en dansant la Macarena. Un petit flashback en arrière, un petit voyage dans le temps. J'aime les filles du bord de mer, mais aussi le rire du sergent. Réchauffer la corde. De l'été indien, c'est comme faire des vocalises en chantant le papa pingouin. Est-ce qu'on peut remettre de l'huile et danser comme des canards? Si vous êtes prêts pour la chenille, ben c'est parti, on redémarre. Un petit flashback en arrière, un petit voyage dans le temps. Un big bisou si tu préfères. Ok d'accord, mais en attendant, réchauffer la colle. Chauffer la colle, sans déconner, on est des cons, des confinés, des chanteurs de karaoké. Ok, chauffer la colle, faut pas rêver, qui va payer les pots cassés? Il faut recoller les morceaux, rendez-nous ta taille. Chauffer la colle, sans déconner, on est des cons, des confinés, des chanteurs de karaoké. Ok, chauffer la colle. Avec Ziz, on peut dire sans se tromper que nous sommes avec lui dans la région marseillaise, direction la Bretagne, avec Yann Malo qui nous chante le When I Do. Oh, fils de Morvan, oh, tu flottes au vent. vois dans le ciel bleu l'ermite qui bat au vent, gardé comme un trésor par l'esprit des ancêtres, enveloppant de ses plis la culture de la mer, le ciel au fond des yeux, l'horizon droit devant. Neuf provinces de Brix, à la poupe de la vie, des marins de la mer, à la poupe et l'usine, les sabords grands ouverts, mon voile vers le Graal qui brûle comme la braise. Atlantelle, le Wenadu nous mène vers l'île du Ponant où sommeille un grand roi. Sur la terre des Celtes, la duchesse couvrira les enfants de Bretagne sous un manteau de reine. La liberté attend que d'un souffle puissant le druidu Menez Homme anime le Gwenadu qui réveille les hommes et chante à la veillée la légende de ce temps. Allez, direction les États-Unis, la Virginie plus précisément, avec Land Riders et If You Want to See My Cry. Oh, oh, oh, tu flottes au vent. La courte échelle. If you want to hear me cry, just say her name. If you wanna see me weep or go insane, night time to sunrise, if you hear a sobbing sound, here comes tomorrow, so I must be feeling down. If you need to hear me cry, just say her name. I was not good at goodbye or playing games. Left by the station as her train pulled out of town. My destination was never written down. Good night and goodbye to all our friends. Don't know what comes next, but I know how it ends. If you wanna hear me weep, hear that sobbing sound, you'll know you're in too deep when you start to drown. If it's any consolation, you can say we're no relation, say we're no relation anymore. I'll be getting on my way right round sundown. There's nothing more to say, it was always your town. Night time to sunrise, if you hear a solid sound. Dawn means tomorrow, so I must be feeling down. down. If you wanna hear me cry. Auteur, compositeur et interprète originaire de Nancy, Charlie Chopin évolue dans la sphère musicale depuis plus de 20 ans. Le voici avec Jimmy. Au passé simple, pas compliqué. Jimmy ne travaille pas, non, Jimmy est remercié. Alors Jimmy reste avec ses chats qu'il trouve bien plus civilisés. Un petit joint de marijuana, sa PlayStation, sa télé. Alors qu'on se le dise, Jimmy conjugue au présent. Et tant pis pour l'imparfait. Le futur c'est pas maintenant, ce n'est qu'un conditionnel. Et le passé au présent, à ce que j'en sais reste incorrect. Si l'on pouvait prévoir avant, ce serait du plus que parfait. Du plus que parfait, hey. Mais Jimmy rêve encore d'être plus tard Albator, astronaute, vétérinaire, pompier ou bien gangster. Jimmy a son univers, sa conjugaison, sa grammaire. Et sur un simple peut-être, soudain Jimmy rêve. Alors qu'on se le dise, Jimmy conjugue au présent. Et tant pis pour l'imparfait. Le futur c'est pas maintenant, ce n'est qu'un conditionnel. Et le passé au présent, à ce que j'en sais reste incorrect. Si l'on pouvait prévoir avant, ce serait du plus que parfait. Rejoignez tout juste, et bien sachez que nous sommes à la mi-temps de ce hors-série de la courte échelle, hors-série qui permet de retrouver les artistes que l'on a appréciés dans les deux saisons précédentes de l'émission. Arrive à présent un artiste découvert grâce à la courte échelle, Thierry Vallant avec Anonyme. Plus que parfait. À l'entrée du grand tunnel, la lumière, elle m'appelle. Personne devant, loin la terre, c'est tout droit, plus qu'un pas. Et pourtant je recule, je sens mon sang circule. C'est tout mon corps qui se réchauffe sans aucun effort. Bouton sur off. Je me réveille doucement. Son cœur bat lentement. Rythme régulier, il bat. Je suis toi, un peu toi. Je n'ai pas tes pensées, tes tes amours, tes idées, ni ta jeunesse et tes envies. Juste une seule promesse, pour deux je vis. Homme ou femme, c'est un honneur anonyme. Noir ou blanc, je porte son cœur anonyme. Et dans ce monde qui s'affaire, patiemment l'infirmière assiste l'homme au camp blanc. Dans ses gestes, dans ses tests, il combat pour ma vie. Oui, je suis en sursis. J'ai vu l'enfer, le paradis. Même si j'ai souffert, oh, j'aime la vie. Homme ou femme, c'est un donneur anonyme. Noir ou blanc, je porte son cœur anonyme. Homme ou femme, anonyme. Noir ou blanc, anonyme. Homme ou femme, c'est un donneur anonyme. Noir ou blanc, je porte son cœur anonyme. Fondé en 2013, Starez est le projet ambitieux d'un trio de vétérans de la vie du rock. Les voici avec Salvation. Got wild last night. I was so wild. Couldn't feel the floor. Did I see the low and the highs? Thank you. I climb to the steps of the church. I talk to the statues of saints. Comme je me plais à le raconter, à le répéter chaque semaine, la courte échelle représente tous les artistes dans tous les styles. La preuve, voici Rudy Ken et Lady Joe, si vous aimez la musique funk, avec Funk Me Tonight. My heart, and you never let me fall apart. C'est l'été, je sais que ce n'est pas vrai, mais l'espace de 3 minutes 20, on peut essayer de s'en persuader en écoutant Prigale. Notre chanson d'été, si vous le voulez bien, S'habilita avec Samba Caliente. C'est l'été. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Solteros, para ir al baile con los solteros. llegando delante la discoteca, todos se abrazan, todos se miran. Y cuando empieza el ritmo de samba, nadie se puede contener. Se ponen todos a bailar y a gozar hasta madrugar. Le guitariste Phil ADLC tient ses influences de Mark Knopfler, de Jimi Hendrix, d'Eric Clapton, de Gary Moore ou de David Gilmour. Il nous interprète ici À toi qui existe. Au milieu de la foule qui se meut sans mystère, sous l'endroitement des arbres, les blessures d'hier, mes prunelles chavirent en recherche d'éclat, attendant quelques signes la rumeur de tes bras. Si j'ai brisé la norme, enfoncé les parois, lancé des pierres aux cieux, hurlé dans l'agora. Prendrons la mer, filant sur le monde, tenant pour repère la lune féconde. Nous ferons lumière où la peine gronde comme deux éclairs. Zébrant les secondes. Mon esprit puisse te reconnaître quand tu m'apparaîtras survolant le paraître. Peu importe ton sexe, peu importe tes choix, le pouvoir de tes ombres, la couleur de ta voix. Si tu vis toi aussi en choyant la beauté, écartant les ornières pour cueillir liberté, prendrons la mer, filant sur le monde, tenant pour repère la lune féconde. Nous ferons lumière où la peine gronde comme deux éclairs. Par mon âme, apprenti des écueils, rejetons de la flamme. Affrontons les discours qui abaissent nos voiles, les puissances grégères où l'homme s'installe. Mais le temps file et court, mon estuaire se rapproche. Je sais que la jeunesse est un dé dans la poche. Prendrons la mer, filant sur le monde, tenant pour repère la lune féconde. Nous ferons lumière où la peine gronde comme deux éclairs. Cette angoisse de ne jamais t'étreindre, en mes doigts incertains quant au futur à peindre. À quoi bon tous ces mots, à quoi bon tout ce sang, percé pour trouver sens, pour déchiffrer le vent. Si la sorte que tu es n'inonde pas mes yeux, formés à ton amour, apprêtés à tes feux. Prendrons la mer, filant sur le monde, tenant pour repère la lune féconde. Nous ferons lumière où la peine gronde comme deux éclairs. La courte échelle. Allez, c'est pour rigoler encore une fois. Voici Papayou avec Madame Parfaite. Fais pas ci et fais pas ça, et nanani et nanana. J'ai comme ci et j'ai comme ça, et... Tout ce que vous venez d'entendre, puisque à l'opposé, voici Petit Bonheur à deux pour terminer ce hors-série. Le duo Montmartrois nous interprète son titre éponyme Petit Bonheur à deux. Petit bonheur, t'es parti où? Je t'attends depuis un paquet d'heures au bord des clous. T'as traversé mon petit bonheur, ma vie de fou. Le temps de me faire des bulles dans le cœur et des jaloux. Des gros jaloux, qu'est-ce que tu fais mon petit bonheur? J'ai rendez-vous. Avec qui? Avec tes yeux parfois moqueurs, mais tellement doux. Ah, ça va alors. On s'était dit qu'on s'aimerait pas ou pas beaucoup. Mais c'est raté, je pense qu'à toi quand je mets les bouts. Je veux te faire plein de petits bonheurs. Si tu le veux, tu me fais plein de petits bonheurs. Oui, faisons-le, ça nous fera au bout du jeu. Plein de petits bonheurs à deux, plein de petits bonheurs à deux. Faut que je te dise, mon petit bonheur, depuis que t'es là, même les murs sont de bonne humeur dessous mon toit. Tu m'as planté tellement de soleil dans mes chansons que le matin quand je me réveille, y'a plus de saison. Faut que je te dise mon petit bonheur, tu m'as sauvé. Des coups de bambou, les arnaqueurs et des croche-pieds. La vie en rose comme disent les fleurs, c'est merveilleux. Tu es mon martre, mon enchanteur de but en bleu. Je veux te faire plein de petits bonheurs. Si tu le veux, tu me fais plein de petits bonheurs. Oui, faisons-le, ça nous fera au bout du jeu. Plein de petits bonheurs à deux, plein de petits bonheurs à deux. La la la la la la la la. C'est tout pour ce hors-série. On se retrouve très bientôt pour l'émission hebdomadaire de la Courte Échelle qui vous présente toutes les nouveautés de la scène indépendante internationale et dans tous les styles.